Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte vers lequel je renvoie souvent quand on me demande c'est quoi la ZAD ou quand on a besoin de mieux piger les positionnements politiques des personnes qui y vivent, qui l'occupent, ce qu'on appelle les ZADistes. Ce texte a été écrit non pas par l'ensemble de la ZAD, mais par une composante que je ne connais pas, enfin que j'ai pas cherché à savoir précisément d'où ça venait, et ça me va bien souvent de ne pas savoir précisément qui écrit quoi. Il a été publié en novembre 2015, on peut le retrouver sur le site zad.nadir.org et je crois me rappeler aussi sur nantes.indimedia.org, et il s'appelle Label ZAD et autres sornettes. L'histoire de la lutte à Notre-Dame-des-Landes s'écrit, aujourd'hui encore, dans la discrétion des efforts de construction et de réflexion, ponctués par quelques menaces d'expulsion de la zone à défendre. Des interventions répétées de Valls depuis décembre, le rejet des premiers recours environnementaux le 17 juillet 2015, la première apparition depuis 2012 d'un juge des expulsions sur la ZAD le 22 septembre 2015. Ce jour-là, dès l'aube, plusieurs centaines de personnes et une trentaine de tracteurs les attendaient, lui et ses gendarmes, derrière les barricades. Mais plus récemment, c'est aussi l'appel d'offres de la préfecture de Loire-Atlantique, le 30 octobre dernier, donc en 2015, qui relance la machine. D'un côté, les pro-aéroports, déjà prêts, proposent pêle-mêle l'expulsion des délinquants de la ZAD et un jeu concours du Grand Ouest. Mais dans tout l'Hexagone, les comités de soutien à la ZAD refont surface. Les appels à mobilisation tournent massivement. Le conflit ne s'est pas éteint et la réactivité des différentes composantes continue de faire résonner l'écho d'une résistance concrète et exigeante à portée de main. L'expérience galvanisante de la ZAD porte d'intarissables espoirs. Ces terres, avec l'histoire, l'affect et l'émotion auxquelles elle renvoie, sont chargées de la force du symbole de lutte et bien au-delà de la zone en question. Leur force est à ce titre d'autant plus redoutable. Les 40 000 personnes présentes en novembre 2012 ne seront-elles pas plus nombreuses pour lui diffuser et mieux préparer ? Avec le temps, et non sans difficulté, cette lutte a permis de populariser notamment une pratique, l'occupation rurale. Elle a montré aussi la nécessité de faire coexister différentes sensibilités, citoyennes, anarchistes, écolos, etc. Celle d'utiliser différents moyens légaux et ou illégaux, de multiplier les tactiques, de la chaîne humaine à l'affrontement, d'être simultanément sur plusieurs fronts, des attaques en justice ou des sabotages, des pétitions, sinon des barricades, et de développer des pratiques comme l'automédic, l'automédia, les équipes légales, l'infotrafic, etc., etc. Il faut aussi, pour comprendre comment un tel engouement fut possible, se retourner sur les décennies de contestation qui le précèdent et les diverses forces paysannes plus qu'actives tout au long de son histoire. De plus, elle a mis en lumière sur la nécessité de construire une contestation sur les bases de ce à quoi elle aspire et, comme socle de solidarité, la reconnaissance d'un adversaire commun. Ici, tout ce qui peut conduire à la construction de cet aéroport, géomètre, gendarme mobile, des élus, Vinci, AGO, l'aéroport Grand Ouest, etc. etc. Enfin, l'échec de l'opération César a permis d'ouvrir une brèche dans l'horizon fermé de la démocratie et du capitalisme. Des victoires sont donc encore possibles. Ces dernières années, les occupations de territoires s'opposant à des projets capitalistes ont poussé comme des champignons qui font halluciner leurs commanditaires, les irritant comme fleurs au nombril, mettant en colère les gros papounets destitués de leurs autorités du lendemain de cuite. Et la redescente n'est pas toujours une partie de plaisir. Mais par les temps qui courent, mieux vaut ne pas traîner dans un coin de nature habillé en costard, en compagnie d'un élu et d'un géomètre. Depuis plusieurs mois, on ne compte plus, du sud-ouest de la France à Bruxelles, les initiatives qui se reconnaissent dans l'appellation ZAD et qui s'en réclament. Ce qui laisse peu de personnes indifférentes et pas toujours pour le meilleur. Qu'il s'agisse de ces journalistes qui spéculent sur de nouvelles zones à défendre, agitant des épouvantails comme autant de conjurations, décomplexant au passage quelques aspirations fascistes comme à Sivens, ou, dans une moindre mesure, à Roibon. De ces chefs, politiciens, hommes d'affaires et autres mafieux qui voient une part de pouvoir leur échapper. De ces sympathisantes anonymes et discrètes qui attendent ou espèrent que les choses se passent bien. Ou encore, de ces jeunes et volontaires utopistes qui répandent des ZAD partout, les fantasmes pleuvent, les clichés fleurissent. Qu'il soit un cauchemar ou un espoir, l'imaginaire désigné n'est pas sans portée, et on aurait peine à en évaluer le plus pernicieux et le plus efficace. De celles qui s'empressent à crier aux zadistes et les stigmatisent activement, ou de celles qui, touchant du bout des doigts le moyen de donner un sens à leur engagement, voire à leur vie, et ce n'est pas peu de chose, s'empressent de déclarer une nouvelle zone à défendre et se jettent dans la bataille, déterminés certes, mais avec peu d'outils théoriques, pratiques et matériels, et restent en surface. De plus, la résonance de l'ennemi zadiste ainsi désigné prive de bien des possibilités avec de potentiels amis ou alliés, car elle offre une lecture simpliste et une compréhension caricaturale, bien appuyée ces derniers temps par une certaine presse. Elle légitime toute action d'intimidation et d'isolement, tout type de pression, légale ou non, mais là n'est pas la question. On ne peut qu'espérer le soutien d'alliés potentiels lorsque nous provoque quelques têtes brûlées, sans compter qu'on n'a même plus besoin de se déclarer zadiste, la presse s'en charge. Au fond, suffit-il de désigner une ZAD pour qu'elle existe? Le label vend du rêve, promet de belles choses, et personne n'est légitime à autoriser ou interdire son usage, ni même à en définir le modèle type ou la forme applicable. Une ZAD est-elle un état de fait, un laboratoire politique, ou une zone de spéculation, de prospection de la nature? Qu'implique concrètement le fait de nommer une ZAD? Voici peut-être quelques raisons de ne pas rester zadisto-centré. Sornette numéro 1, la ZAD mère ou la naissance d'une identité zadiste. Il n'y a pas de ZAD mère. La seule maternité zadiste, nous la devons à des urbanistes capitalistes et à leurs alliés productivistes fous. Le terme de zone à défendre est d'abord la réappropriation sémantique de l'acronyme de zone d'aménagement différé et non la reconnaissance identitaire d'une pratique. Passé cette considération, le concept réapproprié de part et d'autre, chaque zone à défendre a ses particularités, son histoire, son contexte politique, social et ses réalités géographiques et démographiques. On ne saurait plaquer une attitude, un style, un comportement à un mot issu d'une lutte qui s'appuie sur l'occupation de territoire comme un outil. Une pratique qui, en plus d'être vieille comme la propriété, a des millions de visages à travers le monde et mille façons de se réaliser. Son origine est multiple. Les ZAD héritent de pratiques répondant à des nécessités. Elles vont de transmission en transformation. Elles ne changent pas d'abord nos représentations du monde, elles sont la marque de leur évolution. L'activation d'un imaginaire collectif qui se réinvente de lieu en lieu. Pourquoi alors s'accrocher à des lettres figées, sinon fictives ? Sornette numéro 2, la ZAD a fait des petites. Dans l'engouement et l'excitation des moments de gloire à Notre-Dame-des-Landes, Le mot d'ordre ZAD partout, à la fois menace et cri de ralliement, n'était pas encore une invitation à multiplier les ZAD, mais à répandre la solidarité pour la ZAD. Lors des expulsions de novembre 2012, il s'agissait d'activer les forces vives, de faire résonner partout les conséquences d'une attaque à Notre-Dame-des-Landes. Plus tard, ce slogan a spontanément été repris comme un trophée. Les ZAD du Morvan, de Sivens et bien d'autres ont suivi. Néanmoins, s'en tenir à la détermination du slogan revient à destituer au sens les particularités des processus locaux. Il devient alors le titre creux d'un scénario dont on voudrait l'issue certaine, un bis repetita applicable partout en toutes circonstances. Comme si une ZAD était une fin en soi avant même le début du commencement d'une occupation. Il serait fondé de questionner la pertinence de déclarer une ZAD à la moindre maison occupée, comme celle d'Oléron notamment, quand celle-ci refuse d'être assimilée à de mauvais squatteurs. Par ailleurs, le symbole de la cabane suffit à répandre l'écho d'une résistance active. Cette construction collective en bois, multiforme et unique, est devenu le matériau d'opposition au béton et à la moindre palette érigée fait s'agiter les autorités, comme le plateau de Sarclay en juillet dernier. Sornette numéro 3, le label ZAD. Déclarer une ZAD équivaut parfois à donner le tampon de l'expulsion avant même de s'être présenté chez les voisins et voisines. Et les ennemis des dits zadistes sont parfois plus prompts à se manifester que leurs alliés. Les expulsions de plusieurs d'entre elles en sont un exemple. Chambéry, une semaine. Oléron, un mois. Et Chilet ayant tenu plus longtemps, mais expulsé le même jour que la maison d'Oléron, et les moyens employés totalement disproportionnés sont destinés, dans un contexte fascisant, à mettre en spectacle l'ordre républicain, libéral et sécuritaire. Si les murs qui se dressent devant nous indiquent aussi les chemins de l'émancipation, être là où on nous attend, c'est nous rendre identifiables sans être connus, stigmatisés sans être encore dotés de moyens humains, de logistique et de solidarité pour nous défendre. Le label ZAD, dans un pays traditionnellement réactionnaire et de moins en moins honteux de l'être, est populaire jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'une ZAD n'est pas, a priori, une cause acquise au cœur de toutes et tous. Pour le dire autrement, à une époque où les ZADistes étaient victimisés par la presse de droite qui accusait Hollande que les élus opposés se positionnaient en faveur d'une action illégale, manifestation de réoccupation du 17 novembre 2012, que les ZADistes étaient aux côtés des agriculteuristes de toute la région, tous et toutes suivis par un mouvement prenant tout l'Hexagone, à ce moment-là, on pouvait surfer, même naïvement, sur cette vague émotive, politique et populaire. Mais l'opinion, cet être informe et malléable auquel on peut attribuer toutes les intentions, semble toujours légitimer la dernière chose qu'on lui dit. Les ZADistes sont devenus, par voie médiatique, des alcooliques, drogués, sales, agressives et contre les agriculteurices. Ainsi, désormais, déclarer une ZAD reviendrait à surfer sur la vague après son passage, mais surtout, factuellement, à montrer le chemin de l'expulsion sans avoir les moyens d'y faire face. Pour le dire autrement, les principes trahissent les impatiences, plaquent des tactiques, manquent de stratégie, quand de simples et franches connexions peuvent soutenir les mêmes intentions avec beaucoup plus de force. Mais après tout, les expériences d'occupation n'ont pas fini de déployer leurs forces créatives. Sornette numéro 4, la belle ZAD. L'illusion d'une ZAD angélique où seraient abolis les conflits, les inégalités de toutes sortes, où l'autogestion et l'auto-organisation suivraient leur cours simplement, ajoute un phare à l'avènement d'autre chose. S'il est clair, pour beaucoup, que l'occupation et le sabotage sont, de prime abord, des réactions des plus indispensables à une agression à venir ou en cours, elle ne saurait se passer de perspectives à long terme, d'un ancrage dans le temps. L'autonomie politique collective est un premier pas, mais elle ne peut pas être la seule ambition sans quoi elle se perdrait dans une posture démocratique, c'est-à-dire qu'elle ne représenterait pas une menace au cours injuste du monde. Elle doit confronter sa réalité vis-à-vis de l'autonomie alimentaire, énergétique, médicale. Ce sont autant de moyens et d'occasions de nous ressaisir de nos vies, de construire des liens avec ce qui nous appelle et ce qui nous ressemble. De refuser en acte une vision du monde suffisant et prédatrice. Des rapports entre les formes de vie faites par et pour les humains. Un aménagement des espaces de vie et de pensée fait autour des hommes et principalement des hommes blancs. Une organisation du vivant destructrice et gaspilleuse entre auto-centrés. Pour mener de tels combats, pour y en venir à bout, la joie et la détermination, si indispensables soient-elles, ne suffisent pas. Il est à craindre que la volonté naïve et le sentiment de légitimité, quoique salvatrice, épuisent les énergies dans la répétition d'un modèle type imaginaire ou dans l'ignorance des moyens indispensables à leur réalisation, à commencer par la forme que l'on donne au temps et à l'espace investi. Défendre un lieu, c'est le défendre physiquement, quel qu'en soit le moyen ou la méthode. C'est faire face à ses peurs, faire face à ce qui, sournoisement et quotidiennement, nous empoisonne la vie. C'est regarder la mort en face. À terme, des projections approximatives font perdre le sens commun aux énergies engagées. Mais en fin de compte, on peut bien tomber amoureux ou amoureuse d'un fantasme et ne connaître que les contours d'une idée pour se cogner enfin à sa réalité. Tout cela nécessite du temps et de la confiance. Sinon, la conscience commune d'une connaissance en l'autre, d'une reconnaissance en l'autre, qui, en d'autres temps, s'appelait conscience de classe, permettant d'établir a priori ces liens de solidarité. Aujourd'hui, trop souvent, nous attendons que l'adversité se mette en rang devant nous pour remarquer de quel côté nous sommes et encore. Malgré tous les efforts faits pour concrétiser ces objectifs, la réalité est loin d'être aussi simple et évidente. Car si le temps a passé à Notre-Dame-des-Landes, l'absence des flics fait place à d'autres conflits, notamment sur la question de l'usage et de la répartition des terres, ou structures d'usage commune. Fonciers et projets collectifs sont désormais tournés sur d'autres problématiques. La solidarité victorieuse face à l'État se meut parfois en solidarité de circonstances quand elle ne disparaît pas. Mais rien n'est fini. Sornette numéro 5. La Terre est une ZAD. Si les cibles logiques et affectives trouvent leurs sources et leurs origines dans la défense d'espaces particuliers, leur combat ne s'oppose pas strictement à un aéroport, un barrage, une usine à touristes, une poubelle nucléaire. C'est contre le monde globalisé dont elles sont une forme d'expression et de représentation. On dépasse ainsi la défense d'un territoire aux contours limités. Toutes les occupations sont des opportunités d'expérience collective, de réappropriation des outils politiques, de redéfinition des paradigmes et de choix de société qui se construisent. Rien n'est acquis, ni n'émerge a priori. Entièrement dépouillé des schémas de domination combattue, en rupture avec le reste du monde, pur. Dès lors, le réalisme des ZAD ne réside-t-il pas dans leur propre dépassement ? N'est-ce pas un moyen pour réaliser 1000 dessins ? C'est l'arbre qui indique la forêt où les réaliser, rendant plus profondes encore les raisons de son refus. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. En fait, de bon sens, n'est-il pas réducteur de vouloir défendre la terre ? Comme si nous n'en étions pas une part constitutive, liée à ces mouvements, à la vie qui s'y déploie. Nous ne sommes pas davantage les protectrices qu'elle n'est la nôtre. La Terre est une ZAD révèle un point d'héroïsme anthropocentrique, explicite, et pour le moins déplacé. Est-ce par empathie, par culpabilité, renvoyant ainsi la défense du vivant à une question morale, ou dans l'espoir d'y vivre nous-mêmes encore ? La civilisation productiviste détruit une part importante des formes de vie, y compris elle-même. Soyons conséquents et conséquentes. Si les conditions de vie sur Terre répondent à des lois physiques et matérielles, la Terre n'est pas à défendre, c'est notre relation au vivant qui l'est. Dès lors, combattre la prédation de l'homme, c'est rendre l'horizon infini et rattacher notre existence au cosmos. Comme le disait Victor Hugo, qui cueille une fleur dérange une étoile. Les masques d'oiseaux, de tritons et de salamandres portés à plusieurs reprises, notamment lors de la manifestation du 22 février 2014 à Nantes, expriment sans doute mieux une telle solidarité. Le tracé arbitraire localisant une ZAD ne saurait contenir ce qui la lie à son au-delà, depuis les nuages et les vents qui la traversent jusqu'au ruisseau qui s'y dessine et s'enfuit librement. Elle est aussi faite de celles qui l'habitent, ou ne s'y arrêtent qu'un temps. Végétaux, animaux, humains, humaines, celles qui, tissant les liens par-delà son horizon, font résonner l'idée que quelque chose est en cours, un combat qui a du sens. La possibilité de construire un monde vivable et désirable, le sabotage d'un autre, imbuvable, irrespirable. Sornette numéro 6, c'est projet contre projet. Les oppositions qui se font jour quant aux différentes manières de construire le temps et l'espace ne sont pas binaires. Et chacune de leur côté, d'un seul et même bloc. Ce sont autant de personnes que de raisons ou de sensibilités, d'objectifs personnels ou collectifs, de volonté, de croyances, d'espoir et d'illusions. Si l'enjeu est de taille, c'est aussi par la complexité des rapports aux politiques, aux sensibles et à leur composition. En arrivant sur une terre en lutte, les opposants et opposantes d'un projet de bétonnage ne correspondent pas nécessairement aux idéaux politiques forgés ailleurs. On peut arriver plein d'idées, d'envie, d'espoir, de détermination et la radicalité pour les conduire. Mais ainsi, on a aussi vite fait de donner des leçons ou d'apprendre la vie à celles qui ne partagent pas ces idées et ont même une conception bien ancrée à ce qu'est la réalité ou du moins leur réalité. Il est inconséquent de prétendre vouloir mettre fin au capitalisme et à l'impérialisme néolibéral quand on n'est pas en mesure de mettre le doigt sur ce qui constitue en nous-mêmes la réalisation d'un processus complexe de formation culturelle, sociale, comportementale, sous influence libérale, patriarcale, autoritaire, etc. Prendre conscience de ces schémas n'acte pas la destruction. Leur destruction. Par ailleurs, le doute, la modestie et l'attention aux autres en sont aussi certainement des remèdes. Bien des attitudes témoignent d'une lourde contradiction avec les aspirations anti-autoritaires, pourtant si bien soutenues théoriquement. Cela est sans doute relatif au refus ou à l'incapacité de reconnaître et d'accepter ses propres faiblesses ou celles des autres. Des difficultés à rompre avec ces schémas oppressifs, tant dans la conception que dans la sensibilité. Ce n'est pas toujours évident de croire qu'il n'y a pas un flic planqué dans la cervelle de chacun de nous, comme un petit diable au dictat prolixe, en paroles justes distribuant des bons et des mauvais points, indiquant la voie de la raison comme la refondation de la réelle politique, ici et maintenant. La déconstruction pensée comme posture politique radicale n'offre pas de socle commun suffisant pour une transformation sociale, politique et culturelle. Si elle est nécessaire, sa formulation même intellectualise la démarche, peut la rendre artificielle et la réserver à une caste nouvelle et prosélyte. De la même façon, la lâcheté et l'ignorance rendent plus complexes les possibilités de telles transformations. Il s'agit donc de trouver comment les contourner. Mais on ne peut forcer quiconque à se libérer, pas plus qu'on ne force l'amour. Concrètement, nous pouvons créer les conditions matérielles, intellectuelles, affectives et spirituelles propices à la mise en place immédiate de nos aspirations, à commencer par celle de nous reconnaître vivants, vivantes. À nous de transformer nos faiblesses en force. La génération No Future a pris le taureau par les cornes. Les réactions émotives et spontanées qu'elle s'empresse de déclarer... Pardon. Je ne comprends pas la phrase. Je vais quand même la lire. Les réactions émotives et spontanées qu'elle s'empresse de déclarer une ZAD à un projet de destruction productiviste ou de faire frontalement face à la répression, son corollaire, arrivent rapidement à bout de souffle. Nous ne pouvons nous priver du temps nécessaire à un processus de construction, de partage, de diffusion d'une écologie politique et sociale révolutionnaire. C'est un processus. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'une posture de négation pour affirmer que nous érigeons comme étant de fait la négation de ce que nous combattons. En finir avec l'atmosphère anxiogène qui poursuit nos relations. Ainsi, nous ne nous définissons pas en fonction de ce que nous oppose notre adversaire, mais en fonction de ce que nous lui opposons. Voilà une façon de choisir son terrain, de prendre la main, de se donner l'avantage. Des tâches et les objectifs donnés ne nous accordent pas le luxe d'envisager les choses en deçà. Et c'est à partir de là que nous saurons mener de meilleures offensives. Quand il faut donner l'exemple face à la menace des djihadistes verts, l'ampleur de la répression morale et physique n'est pas relative au rapport de force proposé. Elle répond à une volonté à double tranchant. D'un côté, faire peser un sentiment d'écrasement sur les épaules de toutes celles qui menacent le principe, à minima la forme de gouvernance, et de l'autre, il éloigne par la peur et le mensonge les possibilités de solidarité. Ici, défendre une place, un quartier, un territoire, si l'on veut se donner une chance de réussite, signifie non seulement de s'y installer, mais aussi d'en apprendre l'histoire, d'en connaître les formes, les chemins balisés et non balisés, etc. À mesure de quoi, si c'était nécessaire, on s'attache encore aux couleurs, aux odeurs, aux sons, aux textures, aux énergies, etc. Il s'agit donc aussi d'évaluer ses forces, ses possibilités de culture ou d'accès aux ressources vitales, les moyens de défense, les infrastructures disponibles ou potentielles, les effectifs présents, en soutien, en écho, etc. Beaucoup de révolutions ont su développer leur présence immédiate au travers de... autant et à... Pardon, je recommence décidément. Beaucoup de révolutions ont su développer leur présence immédiate au temps et leur originalité intrinsèque pour surprendre, sans compter leur force de conviction et de détermination incorruptible à renverser le pouvoir en place, ce qui n'implique pas logiquement une inversion des rapports de domination. Voilà pourquoi connaître ces nouveaux et nouvelles voisines, développer des échanges et partages logistiques, intellectuels, pratiques, à même de forger des liens, sont de nature à développer une solidarité plus évidente et indispensable à toute suite. La solidarité vient de ce que l'on est capable, de ce que l'on est indispensable l'un et l'une pour l'autre. La conscience d'une nécessité réciproque, affective, politique, stratégique ou tactique, d'une force collective qui célèbre la vie, d'une puissance qui peut devenir redoutable. C'est être capable de prendre des risques ensemble. C'est se reconnaître en d'autres. Et maintenant ? La conjoncture récente laissant présager que le gouvernement ne tenterait pas d'expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant la COP21, finalement la COP22, finalement actuellement les présidentielles 2017 à suivre. Expulser la zone prévue pour le chantier d'un aéroport, si écolo soit-il, ferait sûrement mauvais effet. Et quiz de la préparation aux élections présidentielles, pestilentielles même. Sur cette période, ils ont peu de droit à l'erreur. Sans doute profiteront-ils de la COP pour affaiblir autant que possible et s'abattre plus tard et plus fort sur celles qui les contraignent, tentent de réduire et ou détruire leurs privilèges et d'empêcher que leur folie ne se réalise. La récente ouverture de la future conserverie de la Noé Verte, à l'est de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, est une façon d'attaquer par surprise et une très belle manière de réactualiser la ZAD, de rappeler qu'elle est toujours en mouvement, toujours dynamique, toujours un espace de création. À un moment où le statu quo semblait plus ou moins s'être installé, alors que l'écologie est à la mode, ce geste rajoute une épine. Le symbole même de la conserverie enfonce le clou et réaffirme la volonté de s'inscrire dans le temps. Surtout dans un contexte où la marche sur la COP21 s'organise depuis différents espaces de lutte dans toute la France et au-delà. Cela montre la pertinence de répondre à des besoins pratiques immédiats et de s'organiser en dehors de l'urgence pour ancrer nos existences dans ce que nous voulons qu'elles soient. Car personnellement, au milieu de tout ça, je ne souhaite pas tant la fin de leur monde que le début d'un autre. C'est donc signé Zadiste, nom féminin et masculin, militant, militante, qui occupe une ZAD pour s'opposer à un projet d'aménagement qui porterait préjudice à l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce texte, mais il contient une multitude de notes, une trentaine, qui renvoient à des articles, à des références, à des réflexions. C'est pourquoi je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à cliquer sur les liens que je vais mettre en description de l'enregistrement de ce texte pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et je vous souhaite une bonne suite, une bonne route. Et on se dit à bientôt. Au revoir.